Section 27 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6, deuxième partie. La première croisade. Par Charles Seignobos. Le concile de Clermont. La chrétienté venait de se transformer pendant le XIe siècle. L'Église s'était relevée. Le pape, affranchi de l'empereur, était reconnu pour chef de tous les chrétiens. Les couvents, réformés à l'exemple de Cluny, les ascètes qui recommençaient la vie des saints du désert, avaient fait renaître en Europe la dévotion et le respect pour l'Église. Les hommes de guerre chrétiens, les chevaliers, s'étaient organisés. Ils avaient adopté une façon de combattre uniforme et commençaient à pouvoir opérer ensemble. Jusque-là, ils s'étaient surtout battus entre eux. Le pape leur donna l'idée de se réunir contre les ennemis de la chrétienté. Ce fut l'union des chevaliers et du pape qui produisit la croisade. Déjà en 1074, Grégoire VII parlait de s'en aller à la tête des chevaliers chrétiens, combattre les ennemis de Dieu jusqu'au sépulcre du Sauveur. Mais il avait encore à se défendre contre l'empereur allemand et ne put rien entreprendre. Urbain II, français de famille noble, se trouva plus respecté qu'aucun pape avant lui. Les nobles de France, surtout, lui étaient dévoués. Ils pouvaient enfin exécuter le plan de Grégoire VII. En 1095, en automne, Urbain vint chez nous tenir un concile pour réorganiser l'Église de France et condamner le roi Philippe qui refusait de reprendre sa femme. Le concile fut tenu à Clermont. Il y vint 14 archevêques, 250 évêques, plus de 400 abbés et des milliers de chevaliers du Midi, sans compter le menu peuple. Tout ce monde n'aurait pu loger dans la ville. On avait dressé des tentes dans la plaine. Quand le concile, ouvert le 18 novembre, eut terminé son travail, le pape convoqua la foule dans la plaine et là, le 26 novembre, il parla du Saint-Sépulcre. Il exhorta les chevaliers à prendre les armes pour servir le Christ contre les infidèles, les fils d'Agar, et rappela le mot de l'Évangile que chacun renonce à soi-même et se charge de sa croix. Les assistants, saisis d'enthousiasme, s'écrient « Dieu le veut, Dieu le veut !» Ce fut le cri de guerre de la croisade. L'évêque du Puy, Adhémar de Monteil, vint s'agenouiller devant le pape et le prit de le consacrer pour l'expédition en Terre Sainte. Des milliers de chevaliers demandent à être consacrés aussi. En souvenir de la parole du Christ, ils prennent une croix d'étoffe, rouge d'ordinaire, et la fixent sur leur épaule. Ce sera désormais le signe de tous les pèlerins qui vont en Terre Sainte. Ils portent la croix sur le devant à l'aller, sur le dos au retour. On les appelle les croisés. Le pape promulgue aussitôt un règlement. Quiconque prend la croix fait un vœu. Il s'engage à combattre les infidèles et à ne revenir dans son pays qu'après avoir été au Saint-Sépulcre. En échange, l'Église lui remet toutes les pénitences qu'il a encourues pour ses péchés. Quiconque, dit le décret, par seule dévotion, non pour acquérir des honneurs ou de l'argent, sera parti pour Jérusalem délivrer l'Église de Dieu, son voyage lui sera compté pour toute pénitence. Le croisé devient ainsi un pèlerin, un personnage ecclésiastique. Pendant son pèlerinage, il ne peut être poursuivi par ses créanciers. Quiconque touche à ses biens est excommunié. Le départ de la croisade. Les chevaliers français et le pape avaient décidé la croisade dans un moment d'enthousiasme, sans qu'on y eût songé à l'avance. Il fut convenu que les chevaliers partiraient le 15 août suivant et se retrouveraient tous à Constantinople. Les moines et les prêtres commencèrent alors à parcourir la France et l'Allemagne pour y prêcher la croisade. De ces prédicateurs, le plus célèbre fut un ermite des environs d'Amiens, Pierre, qui avait fait le pèlerinage de Terre Sainte. Petit homme maigre, aux yeux brillants, vêtu d'une robe à capuchon nouée par une corde, il prêchait surtout aux paysans. Ainsi fut réunie, dans le nord de la France, une foule de misérables, à peine armés et sans provisions, qui se mirent en marche, avec femmes et enfants, sous la conduite de Pierre l'ermite et d'un chevalier pauvre, Gautier sans avoir. Ils traversèrent l'Allemagne et descendirent le long du Danube pour aller à Constantinople. D'autres bandes, formées en Allemagne sur les bords du Rhin, prirent la même route. L'une d'elles était précédée d'une chèvre et d'une oie, les animaux sacrés de la vieille mythologie germanique, qui devaient servir de guide à l'expédition. Au départ, dans les villes du Rhin, ils avaient massacré les Juifs, comme ennemis du Christ, et avaient pillé leurs maisons. L'archevêque de Cologne, ayant mis ses Juifs à l'abri au premier étage de sa maison, les pillards avaient enfoncé les portes à coups de hache et égorgé les malheureux. Une partie de ces bandes périrent en combattant les Hongrois et les Bulgares qui, effrayés de leurs allures, s'étaient opposés à leur passage. Ceux qui atteignirent Constantinople commencèrent à la piller. Ils arrachaient le plomb au toit des églises et le vendaient aux Grecs. Ils ne voulurent pas attendre les chevaliers et forcèrent Pierre l'ermite à les mener tout de suite contre les Turcs. Ils vinrent camper en deux bandes près de Nicée. Les uns, cernés dans leur camp où ils mouraient de soif, se rendirent ou furent massacrés. Les autres voulurent attaquer les Turcs et furent mis en déroute. Quelques-uns à peine se sauvèrent avec Pierre. On disait que les ossements des chrétiens formaient des montagnes dans la plaine de Nicée. On raconta quelques années plus tard que Pierre l'ermite avait été le véritable auteur de la croisade et l'avait prêché devant le pape. Pendant le pèlerinage à Jérusalem, il s'était endormi dans l'église du Saint-Sépulcre et avait vu en songe le Sauveur qui lui avait dit « Pierre, mon cher fils, lève-toi, va vers mon patriarche et il te donnera la lettre de ta mission. Tu raconteras dans ton pays la misère des lieux saints et tu éveilleras le cœur des croyants afin qu'il délivre Jérusalem des païens. » Pierre s'était fait donner par le patriarche de Jérusalem une lettre qu'il avait portée au pape et avait été chargé de prêcher la croisade. Cette légende plaisait aux chrétiens exaltés qui ne trouvaient pas le clergé séculier assez fervent. Ils aimaient à penser que la croisade était l'œuvre d'un ermite plutôt que d'un pape. L'expédition décidée à Clermont ne fut prête qu'au bout d'un an. Elle comprenait, dit-on, 100 000 chevaliers et 600 000 fantassins. Mais on n'avait aucun moyen d'évaluer le chiffre des croisés. Dans une lettre, le pape parle de 300 000 hommes. Les chevaliers étaient armés de la lance et du haubert, accompagnés de valets et de chariots pour transporter les provisions. Ils se divisaient en 4 expéditions qui prirent chacune un chemin différent jusqu'à Constantinople. Premièrement, les Provençaux et les Italiens, conduits par le légat du pape et Raymond IV, comte de Toulouse, traversèrent l'Italie, la Dalmatie et les montagnes de l'Épire. Deuxièmement, les Allemands et des Français du Nord descendirent le Danube, dirigés par Baudouin de Hainaut, Renaud et Pierre de Toul, Hugues de Saint-Paul, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, et son frère Baudouin. Troisièmement, la troisième bande, formée dans l'Italie du Sud avec des croisés italiens et des chevaliers du royaume normand de Sicile, suivait un prince normand, Bohémond de Tarente, et son neveu, Tancrède. Elle s'embarqua sur l'Adriatique et traversa l'Épire et la Thrace. Quatrièmement, les Français du Nord, sous la conduite de Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France, de Robert, duc de Normandie, des comtes de Chartres et de Flandre, traversèrent l'Italie jusqu'à Brindisi et suivirent le même chemin que Raymond. Ces bandes n'étaient pas de véritables armées. Chaque croisé faisait le voyage pour son compte sans avoir d'ordre à recevoir de personne. Ils s'étaient naturellement groupés autour des seigneurs les plus connus, mais sans s'engager à leur obéir, et ils passaient à leur gré de l'un à l'autre. Le légat du pape, Adhémar, n'était pas un général, et n'avait qu'une autorité morale. Plus tard, quand Godefroy de Bouillon eut été choisi pour gouverner Jérusalem, on s'imagina que dès le commencement, il avait commandé les croisés, et il se forma sur lui une légende. On le représenta comme un chevalier accompli, à la fois humble et héroïque. D'un coup d'épée, il abattait la tête d'un bœuf ou fendait un turc jusqu'à la ceinture. Il avait porté l'étendard de l'Empire, tué de sa main l'usurpateur Rodolphe et planté le premier le drapeau de l'empereur sur les murs de Rome. En réalité, il avait passé sa vie en petits combats obscurs, mais il semble s'être distingué des autres chevaliers par sa piété et son désintéressement. Les croisés à Constantinople. Les croisés arrivèrent par bandes à Constantinople, 1096. Ces chevaliers de l'Occident, qui ne connaissaient guère que des bourgades et des maisons de bois à un étage, furent éblouis à la vue de cette grande ville, aux palais de marbre, aux coupoles dorées, aux grandes rues remplies par la foule. Toute cette richesse leur faisait envie, et les Grecs schismatiques ne leur inspiraient guère de respect. La fille de l'empereur, Anne Comnène, raconte avec indignation comment ces Occidentaux se comportaient dans la ville. Dans une cérémonie, un d'eux vint s'asseoir sur le trône de l'empereur, qui ne dit rien, connaissant depuis longtemps l'outrecuidance des Latins. Le comte Baudouin le fit lever en lui remontrant qu'il fallait se conformer aux usages du pays. Le croisé, tout en colère, disait, en montrant l'empereur, « Voyez donc ce rustre qui reste assis tout seul, tandis que tant de capitaines sont debout. » Alexis Comnène demanda aux principaux seigneurs de lui prêter serment, c'est-à-dire de se reconnaître ses sujets. Godefroy, arrivé le premier, avait été établi dans le faubourg de Péran. Il refusa, ne voulant traiter que d'égal à égal. L'empereur le fit attaquer par ses soldats et le força à prêter serment, puis à passer en Asie. Les autres se laissèrent persuader, prêtèrent le serment d'hommage et s'engagèrent à rendre à l'empereur les villes d'Asie mineure qu'il prendrait aux infidèles. Dès cette première rencontre, il fut évident que les croisés et les Byzantins se haïssaient mutuellement. Les Byzantins trouvaient les Occidentaux grossiers et insolents et se plaignaient d'être pillés. Les croisés accusaient les Byzantins de vouloir les empoisonner ou les trahir et les appelaient lâches et menteurs. Ils se reprochaient les uns aux autres leur religion. Jamais un accord sincère ne put s'établir entre les chrétiens grecs et les catholiques. L'empereur entendait se servir des Occidentaux pour détruire les Turcs et reconquérir l'Asie. Les seigneurs occidentaux songeaient à devenir princes souverains en Orient et ne voulaient pas obéir à l'empereur. Les croisés en Asie mineure. L'empereur, pressé de se débarrasser des croisés, leur fit traverser le Bosphore. Ils vinrent, avec une troupe de soldats byzantins, assiéger Nicée et détruisirent l'armée turque du sultan de Nicée, venu pour dégager sa capitale, juin 1097. Mais quand Nicée fut près de se rendre, les Byzantins traitèrent secrètement avec les assiégés, se firent introduire dans la ville et refermèrent les portes devant les croisés. L'armée s'enfonça alors en Asie mineure. Les cavaliers turcs la harcelèrent d'abord, mais quand ils essayèrent de l'attaquer en face, dans la plaine de Dorylée, ils furent mis en déroute par les chevaliers chrétiens. Les croisés eurent ensuite à traverser un plateau désert et brûlant, sans vivres et sans eau. À une seule halte, 500 chrétiens moururent de soif. La plupart des chevaux périrent. On chargea les bagages sur des béliers et des chiens. Des chevaliers furent réduits à monter un bœuf ou un âne. Cependant, cette foule avançait, soutenue par la ferveur religieuse. « Nous ne nous comprenions pas les uns les autres, » dit un chevalier français, « mais nous étions comme des frères unis par l'affection, comme il convient, à des pèlerins. » Arrivés enfin dans les montagnes de Cilicie, les croisés y trouvèrent des amis, les Arméniens, qui leur fournirent des secours. Prise d'Édesse. Les chevaliers croisés tenaient avant tout à arriver au Saint-Sépulcre pour accomplir leurs vœux. Les seigneurs, au contraire, voulaient profiter de leurs forces pour se tailler des seigneuries en Orient. Le neveu de Bohémond, Tancrède, chercha à s'établir dans Tarse, sur la côte de Cilicie. Le frère de Godefroy de Bouillon, Baudouin, se prit de querelle avec lui, le chassa de Tarse. Puis, se détachant de l'armée, s'enfonça au sud-est, dans le pays de l'Euphrate, conduit par des Arméniens, et arriva à Édesse, où régnait un prince de cette nation, Tauros, qu'il adopta pour successeur. Baudouin voulait régner tout de suite, il força Tauros à abdiquer et devint comte d'Édesse, 1098. Prise d'Antioche. Antioche, que les croisés trouvèrent sur leur chemin, était une riche ville de commerce, à une journée de la mer, dans la vallée de l'Oronte et sur la pente d'une montagne escarpée. Elle avait 360 églises. Son enceinte, flanquée de 450 tours, était si épaisse qu'un char à 4 chevaux pouvait circuler au-dessus. Elle était défendue par l'émir d'Antioche, un Turc, avec une armée d'élite. Les croisés campèrent dans la plaine. Les pluies arrivèrent, les vivres s'épuisèrent. La famine et la maladie ravagèrent le camp. Pour prendre une ville si forte, il fallait des machines de siège. Les chevaliers étaient incapables de les construire, mais à la nouvelle des victoires des croisés, des marins chrétiens d'Italie, pèlerins, aventuriers et pirates, étaient venus jeter l'ancre sur la côte de la Syrie. Bohémond alla les prier de se joindre aux croisés et les décida à venir construire une tour de siège. Les Arméniens de Cilicie fournirent des vivres. Cependant, le siège durait depuis plus d'un an, et l'émir d'Antioche avait obtenu l'alliance du sultan Seljoukide, Barkjarok, qui envoyait à son secours l'émir de Mossoul, Kerboga, avec une armée de 200 000 hommes, formée des contingents de tous les princes musulmans. Si les croisés la laissaient arriver, ils étaient perdus. Un renégat arménien, qui commandait une des tours de l'enceinte d'Antioche, avait à se venger de l'émir. Il fit offrir à Bohémond, qu'il prenait pour le chef des croisés, de lui livrer sa tour. Bohémond proposa aux autres seigneurs de les faire entrer dans la ville, à condition qu'elle lui appartiendrait. Les seigneurs refusèrent d'abord, alléguant le serment prêté à l'empereur. L'approche de l'armée turque les décida enfin à céder. Ils promirent à Bohémond de lui donner Antioche. Dans la nuit du 2 juin 1098, Bohémond mène sa troupe par les montagnes, au pied de la tour commandée par l'Arménien. À l'aube, il y applique les échelles et monte à l'assaut. Les croisés attaquent du côté de la plaine, envahissent les rues, massacrent les habitants musulmans et pillent les maisons. 3 jours après, l'armée de Kerboga venait cerner Antioche. Les croisés avaient gaspillé ce qui y restait de vivres. La famine fut telle qu'ils mangèrent de l'herbe, de l'écorce d'arbres, des courroies. Beaucoup descendaient la nuit par des cordes le long des remparts et cherchaient à s'enfuir par la montagne. Étienne, comte de Blois, rentra en France malgré son vœu. Dans cette foule d'affamés et de désespérés, l'exaltation du jeûne et de la prière amena des visions. Un prêtre provençal, Pierre Barthélemy, vint dire au comte de Toulouse que saint André lui était apparu et lui avait montré dans l'église Saint-Pierre l'endroit où était enfouie la sainte lance, celle qui avait servi à percer le flanc du Christ sur la croix. Cette relique devait donner la victoire aux chrétiens. Le comte fit creuser le sol de l'église tout un jour par 12 ouvriers. Le soir, Barthélemy trouva une lance près des marches de l'autel. Les provençaux ne doutèrent pas que ce ne fût la sainte lance. Les Normands prétendirent que Barthélemy l'avait cachée. Barthélemy offrit de prouver son dire par le jugement de Dieu et traversa un bûcher allumé en portant la lance. Il sortit du milieu des flammes, mais mourut bientôt après. Ses partisans déclarèrent qu'il s'était brûlé parce qu'il avait douté un instant, et la sainte lance resta une relique vénérée. Dans ce danger, les seigneurs se décidèrent à nommer un général en chef, pour 15 jours seulement. Ce fut Bohémond. Pour la première fois, quelqu'un avait le droit de donner des ordres. Plusieurs bandes refusaient de sortir pour combattre. Bohémond fit mettre le feu à leur quartier. Il envoya offrir à Kerboga de se retirer paisiblement. L'émir répondit que les chrétiens avaient le choix entre la conversion et la mort. Les croisés sortirent de la ville en masse, passèrent le pont de l'Oronte et se mirent en bataille. Kerboga les laissa faire. Son armée était composée des troupes de plusieurs princes musulmans qui se disputaient entre eux et lui obéissaient mal. Dès le premier choc, elle se débanda. Les chrétiens pillèrent le camp abandonné. Juin 1098. Cette guerre était sauvage. Le chapelain du comte de Toulouse dit dans sa relation « Quant aux femmes qu'ils trouvèrent dans le camp, les croisés ne leur firent pas d'autre mal que de leur plonger leurs épées dans le ventre. » Une bande de maraudeurs s'était jointe à l'armée. Ils avaient à leur tête un vagabond surnommé le roi des mendiants, roi Tafour. Leur véritable chef était Pierre l'ermite, échappé à la destruction de son armée de paysans. Il devint le héros des chansons populaires, une sorte de prophète chargé par le Christ lui-même de mener la croisade. La chanson d'Antioche raconte comment il avait dit à ses hommes qui se plaignaient d'avoir faim « Ne voyez-vous pas les Turcs morts ? C'est un excellent manger !» et comment les hommes de Tafour avaient rôti et mangé les cadavres des infidèles. L'auteur ajoute cette remarque « Mieux aime viande de Turc que pain en poivrade. » Querelle entre les croisés. Les croisés restèrent plusieurs mois dans Antioche à se reposer. Une épidémie en emporta beaucoup. Dans le nombre, Adhémar, le légat du pape, 1er août, il avait maintenu la paix entre les seigneurs. Après sa mort, les querelles devinrent des guerres. L'hostilité éclata surtout entre les Normands et les Provençaux. Le Normand Bohémond voulait garder Antioche pour lui. Le Provençal Raymond voulait qu'on la donnât à l'empereur grec, qui venait de reconquérir l'Asie mineure. Il refusa de partir en laissant Bohémond dans Antioche. Les chevaliers, impatients de venir à Jérusalem, menacèrent de détruire la ville pour laquelle on se disputait. Raymond partit enfin, vers la fin de novembre 1098, et voulut se dédommager en assiégeant Mahara, ville forte de l'intérieur de la Syrie. Mais Bohémond vint l'y rejoindre, et quand la ville fut prise, Normands et Provençaux l'occupèrent à la fois. La querelle dura des semaines. Les Provençaux exaspérés incendièrent la ville, pendant que Bohémond chassait d'Antioche les chevaliers provençaux que Raymond y avait laissés. Raymond se détourna alors vers la côte et commença à conquérir le pays de Tripoli. Les croisés y restèrent de février à mai 1099. Enfin, comme Raymond refusait de s'en aller, attendant l'arrivée de l'empereur Alexis, ils mirent le feu à leur tente et partirent en désordre du côté de Jérusalem. Prise de Jérusalem. Le calife fatimite du Caire, profitant des embarras des Seldjoukides, venait de leur reprendre Jérusalem, 1098. Il offrit aux croisés d'y venir en pèlerinage, mais par petites troupes et sans armes. Les croisés avaient essayé d'abord de s'allier aux Fatimites contre les Seldjoukides, mais ils ne voulaient pas laisser le Saint-Sépulcre aux musulmans. Ils s'avancèrent le long de la côte, évitant les villes, puis tournèrent sur Jérusalem. Il n'était plus guère que 25 000 guerriers. À l'approche de la ville sainte, ils se débandèrent, et arrivés en désordre sur les hauteurs d'où ils apercevaient les murs, ils se prosternèrent, les bras étendus, suivant l'usage du temps, en remerciant Dieu de les avoir conduits jusque-là. Mais la ville était entourée de fortes murailles. Les croisés ne purent les escalader, il leur fallut faire un siège en règle. Dans la région désolée qui entoure Jérusalem, ils ne trouvaient ni vivres, ni bois, pour construire des machines. Le torrent de Cédron était à sec, les citernes comblées, rien que des flaques d'eau fétides sous un ciel brûlant. Des galères génoises qui venaient de débarquer à Jaffa leur fournirent des vivres et des instruments. Ils abattirent des arbres à plusieurs lieues de la ville et construisirent deux tours de bois et des échelles. Avant de donner l'assaut, ils firent nu-pieds et en armes une procession tout autour de la ville. C'était pour obéir au légat Adhémar qui était apparu en songe à un prêtre provençal. L'assaut dura un jour et demi. Enfin, quelques poutres jetées du haut d'une des tours de bois servirent de pont pour arriver au rempart. Par là passèrent d'abord deux chevaliers flamands, puis Godefroy de Bouillon et son frère. Un moment après, les Normands entraient d'un autre côté par une brèche. Les croisés massacrèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Dans la mosquée d'Omar, où s'étaient réfugiés les musulmans, le sang montait jusqu'aux genoux d'un cavalier à cheval. Ils s'interrompirent pour aller pieds nus prier sur le Saint-Sépulcre. Puis ils recommencèrent à massacrer et à piller. 15 juillet 1099. Qu'allait-on faire ? De Jérusalem. Les ecclésiastiques auraient voulu que le patriarche y fût souverain. Les chevaliers exigèrent qu'on donnât la ville à l'un des leurs. On choisit enfin Godefroy de Bouillon, qui prit le titre d'avoué, défenseur du Saint-Sépulcre. Aussitôt, une armée de 20 000 hommes, envoyée d'Égypte, arriva du côté d'Ascalon. Cette précipitation sauva les chrétiens. Les croisés n'avaient pas encore eu le temps de quitter la ville. Godefroy les mena contre les musulmans, qu'il mit en déroute, 12 août. Mais il ne prit pas Ascalon, de peur que Raymond ne la gardât. On raconta plus tard que Godefroy avait été élu par acclamation roi de Jérusalem et qu'il avait refusé, ne voulant pas porter une couronne d'or là où le roi des rois avait porté une couronne d'épines. Cette parole a été dite par le comte de Toulouse ou par Baudouin. Fin de la section 27.